Chapitre 3e, lettres et papiers. Très satisfait de prouver à M. Fouinard de quelle considération, de quelle confiance l'honorait la magistrature, M. Charlet se plaça devant le bureau, les bras croisés, jetant d'abord le coup d'œil d'ensemble de l'homme à qui rien n'échappe. Il est évident, dit-il, que frappé à l'improviste, M. Templier avait devant lui les papiers qui l'occupaient particulièrement. Il n'avait pas encore mis d'ordre ni rien rangé. Voici de plus, sur le côté gauche du bureau, une chemise sur laquelle se trouve cette inscription « En cours » et qui contient plusieurs lettres. Au milieu du bureau, sur le buvard, trois lettres, deux ouvertes, l'autre dans son enveloppe, cette dernière portant le timbre des États-Unis, New York, USOA. « Voyons d'abord cette dernière, » dit le juge. « Je l'extrais de l'enveloppe, » fit M. Charlet, avec le geste méthodique de l'homme qui traite les affaires mathématiquement. Il déplia le papier et eut un signe de surprise. « Qu'est cela ? » ?»« Monsieur Templier apparaît-il un neveu qui habite outre-mer ? » Lui-même, à ce que j'ai appris, était célibataire et on ignorait évidemment qu'il eut des parents à l'étranger. « Que dit cette lettre ?» fit le juge, qui fermait à demi les yeux comme pour mieux concentrer ses pensées. « Je vous en donne lecture, » repartit le policier. « Elle est d'ailleurs très explicite. New York, 25 juillet. Je vous supplie encore une fois, mon oncle, en souvenir de ma mère, votre sœur, venez à mon aide. Je vous jure que je suis revenu de mes erreurs passées et que je suis rentré dans la bonne voie. J'ai beaucoup travaillé et je suis sur le point de récolter le fruit de mes efforts. Vous verrez par la lettre ci-jointe que je vous prie de me renvoyer, que j'ai réussi à me faire agréer par une des plus grandes maisons de l'État de Nevada, Ormsby Coal Mining Sea, qui m'engage pour l'étude des gisements de charbon du comté. Le chiffre des émoluments, $250 par mois, est des plus avantageux et s'augmentera encore en raison des services que je suis certain de rendre. Mais il faut que je parte à bref délai, et je suis dans un dénuement presque complet. Pour le voyage et pour faire bonne figure à mon arrivée, j'ai besoin de quelque argent, une misère, 1 000 000 francs, que je pourrais facilement rendre en quelques mois. Je vous demande de me faire cette avance par laquelle vous ne courrez aucun risque en raison du chiffre de mes émoluments. Ce sera une dette d'honneur que j'acquitterai avant tout autre. Je ne puis douter que vous ne cédiez à mon ardente prière. J'attendrai votre réponse favorable, j'en ai la conviction, jusqu'au 20 août, date obligatoire et dernière de mon départ. Un retard me mettrait dans le plus cruel embarras et peut-être risquerait de me faire perdre une occasion que je considère comme unique dans ma vie. Mon bon, mon cher oncle, je n'ai d'espoir qu'en vous. Oubliez les torts que j'ai pu avoir envers vous et sauvez mon avenir. Ah, si vous saviez quelle reconnaissance je vous vouerais. J'attends fiévreusement votre réponse, votre neveu, respectueux et affectionné, Georges Bresson, Pennsylvania Hotel, 139e rue, New York. Cela m'a tout l'air, fit le juge en riant, de ce que dans notre jeunesse nous appelions une carotte tirée de longueur. Voici pourtant la lettre jointe à la précédente, et qui présente de véritables caractères d'authenticité. Mais ajouta M. Charlet, non sans quelque hésitation, elle est en anglais. Il regarda instinctivement Fouinard qui, à une question devinée, répondit par un geste d'acquiescement et étendit la main. Qui est, monsieur ? Demanda le juge. Un de mes jeunes secrétaires, répondit Charlet. Il sait plusieurs langues. Chose excellente, jeune homme, et qui prouve la supériorité de l'enseignement actuel. Vous pouvez nous traduire cette lettre ? Sans répondre directement, Fouinard lut couramment. Compagnie minière des charbons d'Ormsby, Nevada, 18 juillet. Monsieur, nous avons l'honneur de vous informer que nous acceptons les conditions formulées dans votre honoré du 6 juillet courant. $250 de paye mensuel et traité de 12 mois. Vous aurez donc à vous mettre en route le plus tôt possible. Nous comptons sur votre présence pour le 26 au plus tard. Veuillez agréer, etc. Ma foi, dit le juge, je retire le mot carotte. Ceci semble très sérieux, et si j'avais été à la place de l'oncle, je crois que j'aurais consenti le prêt. Oui, mais tel n'avait pas été l'avis du sieur Templier. Car voici écrit rageusement au travers de la lettre du neveu au crayon rouge et trois fois souligné ce simple mot « non ». Il mit la pièce sous les yeux du juge. C'est net, fit celui-ci. En tout cas, cette lettre ne présente aucun rapport avec le crime. Ce Georges Bresson attendra en vain ses 1 000 francs, mais s'il est héritier, il s'en consolera. À supposer que ce vieux Grigou ait quelques sous, dit M. Charlet. J'ai connu de ces usuriers qui mourraient sans laisser un maravédi, mangeant leur argent à nourrir quelques vices cachés. Nous verrons cela tout à l'heure. Je lis la seconde lettre. Oh, celle-ci est d'un autre style. Monsieur Templier, vous êtes d'une ville canaille. Votre conduite est infâme. Voici que vous niez maintenant la parole que vous m'avez donnée vous-même, dans votre bureau, parlant en ma personne. Je vous avertis que ma patience est à bout et si vous ne me restituez pas la somme que vous m'avez extorquée, j'emploierai tous les moyens, tous, pour vous faire rendre gorge, tous, vous comprenez ? À mon entendeur, salut, Salmon, 18, rue Michel-le-Comte. En travers, au crayon rouge, non. Menace non déguisée, dit le juge. Vous convoquerez cet homme à mon cabinet, ajouta-t-il en se tournant vers son greffier. Personnalité neutre, dont la présence semblait ignorée de tout le monde. Et vous, monsieur Charlet, vous nous renseignerez, n'est-ce pas ? Soyez tranquille. Et la troisième lettre ? D'un débiteur qui supplie Templier de lui accorder un délai, fût-ce de quelques jours. Ne me réduisez pas au désespoir. J'ai une femme et des enfants à nourrir. Je vous demande pitié. Signé, d'enfer, boulevard de Port-Royal, 83. En travers, au crayon rouge, non. Même mot de procédé, dit le juge. Convocation et enquête. Les autres papiers, maintenant. Deux lettres, envoi d'argent. Demande d'abandon de poursuite. Des cris de colère. Faisait M. Charlet en feuilletant les papiers qu'il plaçait soigneusement les uns sur les autres. Il y a là de nombreuses indications, mais qui doivent être pesées avec grande prudence. Le nombre de ceux qui avaient à se plaindre de cet usurier était considérable. Monsieur le juge pense sans doute, comme moi, que c'est parmi ces irrités, disposés à la colère et à la vengeance, que nous trouverons le coupable. Qui bénéficiera évidemment de circonstances atténuantes, compléta le juge. Ce soir même, monsieur le commissaire aux délégations judiciaires viendra saisir tous les papiers que j'inventorerai le plus vite possible. Il s'agirait maintenant d'ouvrir le coffre-fort, de voir s'il contient quelques valeurs et d'y mettre les scellés. Voulez-vous requérir un serrurier ? Au moment où le juge se levait pour examiner le coffre, la porte s'ouvrit et le commissaire de police parut sur le seuil. Derrière lui se profilait un visage de femme.